You may be seated. Prenez place. So yesterday we learned very important things about our destiny. Hier, on a appris des choses importantes par rapport à notre destinée. And the first, and how many of you believe that your life will reflect that destiny? Combien croient que votre vie va refléter cette destinée? And the first destiny you must achieve and see in your ministry is that even though you are small, your church is small, you are alone, you are few, you will become 1,000. Et la première destinée, c'est bien que vous soyez peu nombreux, vous allez devenir un millier. And if you read mega church, et si vous lisez la méga église, reasons why we must have a mega church. Les raisons pour lesquelles vous devez avoir une méga église. If this is your vision, it will drive you. Si ça c'est votre vision, ça va vous pousser, ça va vous conduire. It will guide you. Ça va vous guider. There are things you will do or not do because your destiny is to be 1,000. Il y a des choses que vous ferez ou vous ne feriez pas parce que votre destinée c'est de devenir un millier. You know, in America, for instance, when you see the presidents, the presidential candidates, people who stand for elections. Aux États-Unis, quand vous voyez les candidats qui se présentent aux élections, most of them did not decide to become president like 3 years before or the year before. Or early that year, said, no, I have to be an American president. So la plupart d'entre eux n'ont pas pris la décision de devenir président 3 ans auparavant. Non, ni un an. Most of them, when they were young, la plupart d'entre eux, quand ils étaient petits, had a vision. Avaient une vision. That when I grow, quand je grandis, I'll be a president. Je serai président. So that vision, et cette vision, led them to do all the things they did. Les a conduits à faire tout ce qu'ils ont pu faire. So you see an American who will go to Oxford in England. Vous voyez un Américain qui va aller à l'école en Angleterre à Oxford. You see an American who should have many girlfriends but will not. Vous verrez un Américain qui devait avoir beaucoup de petites amies mais il ne le fera because pas. Because they know that if you want to become a president of America, you shouldn't touch another woman's breast. Ils savent que si vous voulez devenir président des États-Unis, faut pas toucher les seins d'une autre femme. But it is those people who didn't have that vision. Mais ce sont ces personnes qui n'ont pas eu de vision. Who decided only last year qui that ont décidé il y a juste une année. Meanwhile, you have gone to touch breasts and buttocks and all kinds of things. Vous êtes allé toucher les fesses et les seins des autres. Because they were not ready. Parce qu'il n'était pas prêt. Yes. Oui. So when you also have a vision to have 1,000 members, it will from today, even though some of us see our 1,000 members will be 7 years time, 5 years. Aurez... It's not tomorrow month or next month you have 1,000. Quand vous aurez une vision witchcraft, d'avoir witchcraft. Quand vous aurez une vision d'avoir 1,000 membres, vous savez que ça ne va pas se produire demain ni après-demain. Si c'est le cas, c'est la sorcellerie. Mais dans 7 ans, 5 ans. Do you know 1,000? Est-ce que vous connaissez 1,000? 1,000 is not a small number. 1,000, c'est pas un petit chiffre. Look at the crowd in this room. Regardez la foule qui est ici. How many are we? Are we about 500? Yes. Oui. Nous n'atteignons même pas 500. Levez-vous, s'il vous plaît. Yes. Or is that am I right? It's correct. Look at the crowd here. Regarde. Imagine your church in Brazzaville. Imagine ton église, une église à Brazzaville comme ça. Think about it. I mean, the pastor of Kindia. But le pasteur de Kindia. On Sunday morning, dimanche when matin, to, quand il arrive. When you go to church. Quand il arrive à l'église. This is the crowd you ça are preaching. Ça c'est la foule qu'il aura. And imagine having two services like this. Imaginez deux cultes comme ça. So it's not a small thing. C'est pas une petite chose. So if it is your vision, si c'est votre vision, it will guide you. Ça va vous conduire. From today. À partir d'aujourd'hui. It is when you don't know you'll be a president in the future. That's when you do all kinds of things. C'est lorsque vous ne savez pas que vous allez devenir président, vous faites n'importe quoi. But those who have a mind that they become president. Mais ceux qui ont l'esprit de devenir président. The things they do. Les choses qu'ils font. It may take 30 years. Ça peut prendre 30 ans. But they are preparing themselves. Mais ils se préparent. Ils se préparent. May the destiny that has been spelled to you. Que la destinée qui a été prononcée sur vous. Guide your life from today. Conduit, yeah. Dirige votre vie à partir d'aujourd'hui. May your future, which has been shown you today, que votre avenir qui vous a été décrit aujourd'hui, help you to do things or not to do things. Vous aide à faire des choses ou à éviter des choses. Yeah, the very name destiny, you know, destiny doesn't mean tomorrow morning. La destinée ne veut pas dire demain matin. Destiny is future. La destinée parle de l'avenir. But if you want to live a proper life in God, you need to know the future. Si vous voulez vivre une vie correcte en Dieu, il faut connaître l'avenir. God always looks at the far Dieu in the future. Regarde toujours très loin dans l'avenir. So your destiny is that you are going to be a pastor of thousands. Donc votre destinée, c'est que vous serez pasteur des milliers. Yes. And I'm saying that should let you have a mechanic. Donc pour cela, il faut au moins avoir un macané. That should let you wake up at dawn and pray. Ça devrait vous pousser à vous lever à l'aube pour prier. That should let you read some books. Ça devrait vous obliger à lire certains livres. Not for tomorrow morning. Pas pour demain matin. Not next week Sunday. Pas pour la semaine prochaine. But because of your ministry in 20 years Mais time. À cause de votre ministère dans 20 ans. Yes. I have been a pastor for the past 22 years. Je suis pasteur depuis 22 ans. Pastor. Pasteur. Of a church. D'une église. Preaching to 7 people. Je prêchais à 7 personnes. 20 people. 20 personnes. 22 years ago. Il y a 22 ans. I was made a pastor. Je n'étais pas pasteur. Those things I was doing before that time. Les choses que je faisais avant. Are helping me to be what I am today. M'aide à devenir ou à être ce que je suis aujourd'hui. You will be surprised that 20 years will come right now. Vous serez surpris que 20 ans va arriver dans très peu de temps. Va arriver. Yeah. I can't believe it. Je ne peux pas le croire. That I have not died and resurrected. Que je ne suis pas mort et ressuscité. As I'm living my life 2x4, I'm already 22 years as a pastor. Alors que j'existe, je vis de tous les jours. Ça fait déjà 22 ans que je suis pasteur. It is important that you prepare yourself. Donc il est très important de vous préparer. You get yourself ready. De vous préparer. By doing what you must do. Et à faire ce que vous devez faire. Amen. You are also destined to be conformed to the image of Christ. Vous êtes aussi destiné à vous conformer à l'image de Christ. An image. L'image de Christ. Yeah. And what is that image? Et quelle est cette image? Riches. La richesse. Wisdom. La sagesse. Strength. La force. Power. La puissance. Glory. La gloire. Anna. L'honneur. Blessing. La bénédiction. Are they not nice things? Est-ce que ce ne sont pas des bonnes Very choses? Nice. Clap your hands for yourself. It's going to happen to you. Applaudissez pour vous-même. Yeah. And once again, when you look at your life right now, une fois de plus, lorsque vous regardez votre vie d'aujourd'hui, you see that you are far from these 7 things. Vous verrez que vous êtes loin de ces 7 choses. But you can become. Mais vous pouvez le devenir. C'est possible. C'est possible. It's possible. It is possible. I said you can become. Vous pouvez le devenir. Your destiny will be a destiny of riches. Votre destinée, c'est une destinée de richesse. Honor. L'honneur. Strength. La force. Anything trying to push you over. Tout ce qui essaie de vous renverser. Will be surprised that you are the one rather pushing them over. Serait surpris de voir que c'est toi qui renverse les choses. Any storm, toute tempête, that is coming at you, qui vient vers vous, and your ministry, et votre ministère, thinking that because that same storm has removed many other ministries, pensant que cette même vent, cette même tempête a enlevé plusieurs ministères, it will be surprised. Il sera surpris that by the time that storm is over, you will still be standing que straight. Le temps que cette tempête passe, tu seras toujours debout. Receive strength. Recevez la force. You need strength in the ministry. Vous avez besoin de la force dans le ministère. You need strength to pray. Vous avez besoin de la force pour prier. It's not weak people who have a church of 1,000. Ce ne sont pas les faibles qui ont une église de 1,000 personnes. Yeah. It's weak people who have a church of 5,000 men to have 1,000. Ce sont les faibles qui ont des membres 5,000, 7,000. You must be strong. Avoir mille, il faut être fort. In the word of God. Dans la parole de Dieu. Paul described one of his pastors. Paul a décrit un de ses pasteurs. He had many people under him. Il avait beaucoup de personnes sous son autorité. One of them was called Apollos. Et une d'entre ces personnes était Apollos. And the only thing we learn of Apollos is that he was mighty in the scriptures. Une chose qu'on connaît qu'il s'agit Une chose qu'on connaît de Apollos, c'est qu'il était fort dans les Écritures. A pastor of 1,000 members is not a pastor who doesn't know the word of God. Un pasteur de 1,000 personnes n'est pas quelqu'un qui ne connaît pas la parole. Think about the preaching that will meet the need of you, your need, your need, your need, your need, your. Pensez à la prédication qui va. You must be mighty. Pouvoir besoin de toi, de toi, de toi, de toi, de 1,000 personnes. Strength. La force. You must be strong. Il faut être fort. And Jesus was strong. Et Jésus était fort. He was mighty. Il était fort, puissant. So, that is our destiny. Ça c'est notre destinée. You may not be strong right now. Peut-être maintenant vous n'êtes pas fort. But fight towards being strong. Mais battez-vous pour devenir fort. If you are a male. Si vous êtes un homme. And you are a pastor. Et vous êtes pasteur. If you look at us here in the if this is a church. There are more ladies here. Quand vous regardez ici, il y a plus de femmes que d'hommes. Here. Ici, même ici. There are more ladies at the camp. Il y a plusieurs femmes. Les femmes sont plus nombreuses. Because in the world. Parce que dans le monde. There are more ladies. Il y a aussi des femmes sont plus nombreuses. So if you are a pastor of 1,000 members. Si vous êtes pasteur de 1,000 membres. It means you have a minimum of 500 or 600 women. Vous avez un minimum de 500 ou 600 femmes. And each one is beautiful. Et toute personne, chaque femme est belle. 200 are fair. 200 sont claires de peau, de teint. 68 have got big buttocks. 68 ont des gros fesses. 100 are tall with nice legs. 100 sont grandes avec des belles jambes. 17 have got Brazilian hair. 17 ont des cheveux brésiliens. About 147 of them have got juicy breasts. Peut-être 147 ont des seins voluptueux. If you are not strong. Si vous n'êtes pas fort. I said if you are not strong. Si vous n'êtes pas fort. Pastor, if you are not strong. Pastor, si vous n'êtes pas fort. Sir, Reverend, Rev. Révérend, Rev. Revo. Mon révérend. Revo. If you are not strong. Si vous n'êtes pas fort. You're out. Vous êtes éliminé. You are out. Vous êtes éliminé. And just in case you are thinking that oh the girls will be in the church, they'll be very nice. It's like you must keep yourself from liking this one, or you must keep yourself from like you shouldn't go to this one's house, or you must keep yourself from being friends with that one. No, it's not like that. In the church, the girls themselves are coming for you. Vous pouvez penser que si vous êtes dans l'église, vous devez éviter de vous approcher de cette fille ou de connaître la maison de cette fille. Mais non, à l'église, ce sont les filles qui se jettent sur les pasteurs. Hardly, Hardly, rarely will you find a pastor of a church chasing a girl. C'est rare de voir que c'est le pasteur qui a couru après la fille. We went past that long ago. It's far, right? No. Now, it's the girls who are looking for us. Ça, c'était à l'époque. Maintenant, ce sont les filles qui courent après les hommes. I don't know about it. Vous ne savez pas ça. Scholarship. Scholarship. Ah, la bourse. As I'm here, they are looking for me. Moi, je suis ici. Elles me cherchent. I'm not lying to you. I'm not lying. Je ne mens pas. Oh, do you think I'm lying to you? Est-ce que vous pensez que je mens? No, no, no. Sorry. Je n'entends pas le pasteur. Look at me well. Regardez-moi bien. C'est un faux cas. Yes. Do you think I'm joking? Vous pensez que je plaisante? If they are looking for me, they will also look for you. Si elles me cherchent, elles te cherchent aussi. Because I'm not special. Je ne suis pas spécial. I'm not some somebody from Europe or Mars. Oui, je ne suis pas America. De Mars. Je ne viens pas de Mars ni de l'Europe. I'm a little African boy. Je suis un petit gars africain. If they are looking for me, si elles me cherchent, they will look for you too. Elles te chercheront aussi. So the same way, listen. The same way Jesus did not fornicate with the woman who came to pour oil on his head. Can you imagine a woman's hair? She's using her hair to clean your leg. Imagine, if you are not strong. Imagine une femme qui vient nettoyer ses pieds avec ses cheveux. Si vous n'êtes pas fort. A woman, she, first of all, you see, hair. The hair on the skin is rough. It's not smooth. Vous voyez les peaux. It's not smooth. It's rough. The hair. Les poils. Les cheveux sur la peau n'est pas lisse. Yeah, you can even cause sores. Vous pouvez même blesser quelqu'un. So she poured oil first. Elle a versé de l'huile d'abord. Yes. It's a type of massage. C'est un type de massage. Very good. If you are not strong, si vous n'êtes pas fort, if you are not strong, si vous n'êtes pas fort, as she is wiping the feet, alors qu'elle nettoie les pieds, you just say, meet me in my room, meet me in my room, go downstairs, wait for me. Vous allez dire, descends, va dans ma chambre, attends-moi dans la chambre. Wait for me in front of my room, I'm coming there. Attends-moi dans la chambre. You will be strong. Tu seras fort. You will be strong. Tu seras fort. You will be strong. Tu seras fort. May each of the seven destinies que chaque in front of you become a part of your ministry, your life, blessing. Believe God that when anybody looks at you, say, oh, this guy, he is just blessed. Que chacune de ces sept destinées fasse partie de vous. Que les gens puissent vous voir et dire que non, cet homme, cette femme est béni. It is part of the seven things, oh. Ça fait partie des sept choses. Blessing. Une bénédiction. No, check it well. Regardez bien. It's not blessings. C'est pas. It's bénédiction. Pastor, please check. C'est la bénédiction. Revelations 5 is blessing. La bénédiction. When God, we like those words, blessings. C'est nous qui aimons les bénédictions. Please check. Is it blessing? Est-ce que c'est or blessings? C'est singulier ou pluriel? Blessings. Plural. Pluriel un. Ou au singulier? C'est un. Un. En français, c'est la gloire. Oh, you don't need blessings. Vous n'avez pas besoin des bénédictions. Just blessing. Juste la bénédiction. When say you are blessed. Si quand on dit vous êtes béni. Every area of your life is blessed. Tous les domaines de ta vie est béni. When we pay tithes. Quand tu payes la dîme. We don't receive blessings. On ne reçoit pas des bénédictions. He said you open the windows of heaven and pour out a one blessing. Il va ouvrir les écluses des cieux. That one pour blessing. Verser une bénédiction. Will take care of your marriage. Et cette bénédiction prendra soin will de votre take mariage. Care of your family. Prendra soin de votre famille. Will take care of your church. Prendra soin de votre église. May people just say that look this guy, he's just blessed. Les gens diront simplement mais ce gars il est simplement béni. That lady pastor, she's just blessed. Cette dame pasteur elle est simplement bénie. Receive a blessing. Recevez la bénédiction. blessing on your life. Une bénédiction sur votre vie. Anything you do is blessed. Tout ce que vous ferez sera béni. There are people like that. Il y a des gens comme ça. Everything they do is blessed. Tout ce qu'ils feront, tout ce qu'ils font, you'll be that type of person. Vous serez ce genre de personne. I said you'll be that type of person. Vous serez ce genre de personne. May we see ourselves gradually moving towards these seven major powers. Que nous puissions nous voir nous-mêmes en train d'approcher vers s'approcher de ces sept bénédictions. Pastor Bano, list them. What are the names? What are the things? Number one is what? Riches. La richesse, première chose. What else? What? Power. La puissance. May your ministry be a ministry of power. Que ton ministère soit un ministère de puissance. Power to save. La puissance pour pouvoir guérir. Power to heal. La puissance de guérir. Power in your ministry to make people who never thought they'll become pastors. They'll become pastors. La puissance, la force de pouvoir faire des gens qui n'avaient jamais d'idée de devenir pasteur deviennent pasteurs, qu'ils deviennent pasteurs. That is the type of ministry Bishop has. Ça c'est le genre de ministère que l'évêque a. People who never imagined they'll become something. There's power enough. Receive such power. Les gens qui ne pouvaient pas imaginer qu'un jour ils seraient dans le ministère, ils seraient pasteurs. C'est le genre de puissance, de force que l'évêque a. Recevez cette puissance. Recevez. Recevez. That is the power that has brought some of you here. Yeah. C'est la puissance même qui vous a amené ici. Yeah. If Bishop didn't have power in his ministry, somebody like you would not be here. Si l'évêque n'avait pas de puissance dans son ministère, quelqu'un comme vous, vous ne serez pas ici. You'll be in Lighthouse. Vous serez à Lighthouse. In Lomé. À Lomé. Ouagadougou. Ouagadougou. You will not be here. Mais vous ne serez pas ici. Tu ne seras pas ici. Yeah. A certain power brought you here. C'est une certaine puissance. You are receiving 10 times that type of power. Recevez 10 fois plus, 10 fois plus. The power that changes. La puissance, la force qui change. You know, sit down. The part I like is number 3. Écoutez. Your destiny is to become Jesus' brother. La destinée numéro 3, c'est de devenir le frère de Jésus. And I like the example Bishop gave. Et j'ai aimé l'exemple que l'évêque a donné. He was somewhere and the president's brother came. Il était quelque part, il a vu le frère du président. He's not the president. Il n'est pas le président. He has not stood for elections. Il n'a pas été élu. How he arrived. Mais la manière dont il est arrivé. Everybody knew that no, this person must be the president's brother. Tout le monde savait ou savait que non, cette personne doit être le frère du président. Have you been on the cross before? Est-ce que vous avez déjà été sur une croix? Have you been crucified on the cross? Vous avez été crucifié sur la croix? Have you ascended? Est-ce que vous êtes déjà monté vers But all you need ciel? Is to be the brother of Jesus. Tout ce dont vous avez besoin, c'est de devenir frère de Jésus. When you arrive, the demons will be bowing. Quand vous arrivez, les démons vont se prosterner. The demons will be bowing. Les démons se prosterneront. The brother of Jesus means that if whatever is in the genes of Jesus will be in your genes. Être frère de Jésus veut dire que le ADN de Jésus sera votre ADN aussi. I want to be a brother of Jesus. Je veux être un frère de Jésus. And have the ability to preach to 5,000 people besides women and children. Je veux être and feed avoir them. Le même comportement. Yes, je veux être comme Jésus exactly. Et être capable de prêcher à 5,000 personnes oui. À part les femmes à et part les enfants. Les femmes et les enfants. Whatever made Jesus gather 5,000 is also being given to you to gather 5,000. Ce qui a permis à Jésus de rassembler, de réunir 5,000 personnes, vous recevez aussi. Whatever gave Jesus Christ a wow ministry, you are also going to receive a wow ministry. Ce qui a donné à Jésus un ministère qui fait Wow. Brother of Jesus. Vous allez recevoir, brother la of même Jesus. Chose. Mark 6, Matthew 13. Whenever he preached, they said, wow, what wisdom is this? The next time you preach, they will also say, wow, what wisdom is this? Receive that wow. À chaque fois que Jésus prêchait aux foules, les gens disaient, wow, mais ça c'est quel genre de sagesse. Quand vous prêchez, les gens vont dire aussi, wow, quel genre de sagesse. I don't know what made, I mean, what it was that made Jesus preach so powerfully. Je sais pas ce qui a permis à Jésus de prêcher si puissamment. But a lot of what we are, mais beaucoup de ce que nous avons, is in our genes. C'est dans notre gène. Yeah. Some of you who can sing well, you'd be surprised that your grandmother was a good singer. Certaines personnes qui chantent bien, vous serez surpris de savoir que votre grand-mère aussi chantait bien. Some of you can preach well. You'll be surprised that your father was—he wasn't a pastor, but he was always talking at work. He has a gift of talking. Quand certains d'entre vous êtes des bons pasteurs, vous allez découvrir que votre père aussi ou grand-père parlait bien. There is something very powerful about the genetic makeup. Il y a quelque chose de très puissant par rapport aux gènes. Yeah. I mean, if you look at your pastor. Quand vous regardez votre pasteur. She's carrying major genes. Elle porte des gènes majeurs. Major genes. So the point I am making is that. Donc ce que je veux dire. A lot of what Jesus did. Beaucoup de ce que Jésus a fait. Something made him do it. Quelque chose l'a obligé à le faire. He was carrying something. Il portait quelque chose en lui. And if you are the brother of such a man. Et si vous êtes le frère de cette ce genre de personne. I said, if you are the brother of such a man. Et si vous êtes le frère d'un homme pareil. If you are the sister of such a man. Si vous êtes la sœur d'un homme pareil. Somebody here is receiving a preaching anointing. Il y a quelqu'un ici qui reçoit une onction de prédication. When you open your mouth. Quand vous ouvrez la bouche. They will say, ah, this guy preaches just like Jesus. Ils diront, ce gars prêche juste comme Jésus. Without microphone. Sans microphone. Without amplifier. Sans ampli. Without a keyboard. Sans clavier. May 10,000 people gather around you. Que 10,000 personnes se réunissent autour de vous. If you are Jesus's brother. Si vous êtes le frère de Jésus. Then whatever could be found in Jesus will be found in you. Tout ce qui a été découvert en trouvé en Jésus se trouvera en vous. Can you imagine Jesus fornicating with his church members? Imaginez, vous pouvez imaginer Jésus forniquer avec les membres de son église? Can you imagine Jesus not attending meetings? Est-ce que vous pouvez imaginer Jésus qui ne participe pas aux Can réunions? Can you imagine Jesus reading the scriptures and not understanding the verses? Vous pouvez imaginer Jésus lire les versets et ne pas comprendre? Yeah. That's your destiny. Ça c'est votre destinée. If that is your vision, si ça c'est votre vision, then every day of your life, sit down. Tous les jours de votre vie, prenez place. Every day of your life, tous les jours de votre vie, you are always praying. Vous allez toujours prier. And believing God. Et croire à Dieu. That you will be like Jesus. Que vous serez comme Jésus. Begin to expect comments people made about Jesus to be made about your ministry. Commencez à attendre que les gens passent des commentaires sur votre ministère et dire que vous êtes comme Jésus. Which means that one of these days you will have a major healing ministry. Ça veut dire que un de ces jours vous aurez un ministère de guérison puissant. If Jesus went out to preach to people, you also go out to preach to people. Si Jésus est sorti, il a voyagé pour exercer son ministère, vous allez aussi sortir, voyager pour exercer votre ministère. Are you believing God to become a brother of Jesus? Est-ce que vous croyez à Dieu pour devenir frère de Christ? Number four, the fourth thing about your destiny. La quatrième chose ou le quatrième point is that concernant votre destinée. You are the light of the world. C'est que vous êtes la lumière du monde. A city set on a hill cannot be hid. Une cité sur une montagne ne peut être cachée. So your destiny is to become outstanding. Donc votre destinée c'est de devenir remarquable. Striking. frappant. Or what? Conspicuous. Ou conspicueux. Conspicuous. Conspicuous. That is who you are supposed to be. C'est ce que vous devez être. Jesus did not say, I am a city set on a hill. Jésus n'a pas dit, je suis une cité. He said, you are a city set on a hill. Il a dit, vous êtes une colline. Cité sur une colline. So, we will be in Accra. Nous serons à Accra. But we will know that there is a mega church in Kara. Mais on saura qu'il y a une méga église à Kara. You see, what it simply means is that. Ce que ça veut dire simplement c'est. You will no longer be ordinary. Vous ne serez plus jamais ordinaire. Did you know that most people are ordinary? Est-ce que vous savez que la plupart d'entre nous sont ordinaires? Most pastors are ordinary. La plupart des pasteurs sont ordinaires ou sont ordinaires. There is a statistical curve called the Gaussian curve, which shows the distribution of people. Now, on that curve, you see that most people are in the only a few are outside. La courbe de Gauss montre que most people are inside the cave. La plupart des gens se trouvent à l'intérieur. Most people are ordinary. Dans cette courbe, donc la plupart d'entre nous sont ordinaires. Yes. If you are in school and you write an exam. Si vous êtes à l'école et vous écrivez un examen. Most of the people will get below 70%. La plupart des gens auront moins de 70%. 68. Vers 68. 55. Always one or two will get 90. Une ou deux auront 90%. Only one person or two people will be outstanding. Une ou deux personnes seront remarquables. Most people are not outstanding. Ne sont pas remarquables. But you. Mais vous. You. Vous, you are having a ministry. Vous aurez un ministère that will make it difficult for someone not to notice you. Qui rendra difficile aux autres de ne pas vous remarquer. Yeah. Wherever you are, partout où vous vous trouvez, you will be international. Vous serez international. You may be in a village. Vous pouvez vous trouver dans un village. The outstanding means you stand out. Remarquable veut dire que vous êtes remarqué. May the anointing to be outstanding come upon you heavily. Que l'onction de devenir remarquable tombe sur vous. You're not supposed to be. It's like when we are here. Let's say if we are all pastors of churches. Let's say. Par exemple, si nous étions tous pasteurs d'église. In 10 years time, we are all here pastors. Everybody here is a pastor. Dans 10 ans, on se trouve ici. Tout le monde ici est pasteur. Even though you are sitting in the middle there. Même si vous êtes assis au milieu là-bas. We should always ask, where is that guy who has that 10,000 member church in Kindia? On doit toujours dire, où est cette fille qui a 10 000 membres à Kindia? You see, striking means that. You cannot help. Frappant veut dire que vous ne pouvez pas vous empêcher. But notice it. De remarquer. Striking. C'est quelqu'un qui est frappant. So some of you ladies, when you were unbelievers. Certaines filles, lorsque vous étiez non croyants dans le monde. You used to intentionally dress. Vous aviez l'habitude de vous vêtir d'une manière spéciale. To be striking. Pour être frappant, remarqué. The way you did your makeup. La manière dont vous êtes maquillé. Was not the normal type of makeup. C'était pas le maquillage normal. So that when we come, we can notice only you. C'était fait pour que on puisse vous remarquer vous seul. Because you dress in such a way that you are striking. Vous vous habillez de manière frappante. Yes. When you dress up, quand vous vous habillez, you wear a blouse. Vous portez une chemise. That leaves a little part of the side. Un peu de peau se voir. Laisse voir. Strike the man. pour frapper les hommes. You deliberate. You know what you are doing. Vous savez ce que vous faites. Yeah. I said you know what you are doing. Vous savez ce que now vous that faites. You are a shepherd. Maintenant que vous êtes berger. You will also know what you are doing. Vous devez savoir ce que vous faites. You will deliberately read mega church so vous that your church will be striking. La méga église de manière délibérée. You will deliberately read church growth so that your church will be a striking church. Vous allez lire des livres de manière intentionnelle. Yeah. If a woman could deliberate, you see some girls, there's a type of skirt. Look, yeah. It's like that. And the hips are big. Il y a des jupes. Il y a certaines jupes qui sont jusqu'ici. Jusqu'ici. Et les hanches sont... Jusqu'ici. And there are some girls who have the same hips, but they wear big maxi skirts. Mais il y a des filles qui ont les mêmes taille de hanches, mais elles portent des jupes maxi. You will not see what is under the skirt. Vous ne verrez jamais ce qui est en bas de la jupe. But some girls, mais certaines filles, will intentionally de dress. Intentionnelles, elles vont s'habiller. So that they are striking. Pour qu'elles soient frappantes. When they come around, quand elles arrivent, say, wow. Vous allez dire wow. From this camp, à partir de ce camp, you will intentionally pray. Vous allez prier de manière intentionnelle. You will intentionally listen to camps. Vous allez écouter des messages de camp intentionnels. You will intentionally read books. Vous allez lire exprès. Vous allez faire exprès de lire. To make your ministry a strikingly outstanding ministry. Pour que votre ministère soit un ministère frappant et remarquable. Is it happening? Est-ce que cela va se passer? Clap your hands for Jesus. Acclamez Jésus. You will not be an ordinary pastor. Vous ne serez pas un pasteur ordinaire. No, no, no, no, no. Non, non, non, non, non. You know, as you are clapping, I can hear people clapping for you. Alors que vous acclamez, j'entends des gens acclamer pour vous. Yeah. Your ministry is so outstanding that people are clapping for you. Votre ministère est si remarquable que les gens vont vous acclamer. City on a hill. Une cité sur une colline. I said a city on a hill. Une cité sur une colline. It is your portion. Ça c'est votre part. Please be seated. Prenez place, s'il vous plaît.